Super, bah oui. La suite, c'est le récap d'hier. Et c'est donc le dernier récap également de Radiosine. Et ben, merci déjà d'avance, Jeanne. Et c'est on a donc là un très long récap. Alors, bonne écoute. Elle est où, Jeanne? Bon, je sais pas, mais il y a le temps là, franchement. Ouf. Il y a plus que. Ça dépasse, ça dépasse. Oui. Ah, c'est Laurent. La qualité. La virtuosité. Il a une sacrée voix quand même. Je peux pas dire d'autre. Tu veux nous payer? Merci. La grosse Meg. Ça se passe de commentaires. Franchement, tranquille, hein? J'étais en train de me dire c'est quoi ce bordel, mais c'est dans le récap en fait. Ouais, on a un strobe. Ah ouais? Génial. Waouh. C'est trop bien. Oh, ils vont défoncer nos poubelles. Ah, mais c'est Jean-Baptiste. Donc on joue depuis les consoles, les claviers. Ouais, elle a réussi à le choper. Et donc on peut contrôler tous les tuyaux. Il y en a 8. Bonsoir. 800 sur. Les... Allô. Alors c'était un. Hein? C'est une banque. D'accord, je me demandais. En fait, dans tous les haut-parleurs. Quoi? Et moi je joue par-dessus. Ok. Et ça vient d'où l'inspiration? Alors c'est en plus Linval qui a composé cette pièce. Alors au départ, c'est composé pour quatuor à cordes et orgue. Okay. Et il a fait cette version pour guitare électrique et orgue, et qui est tout à fait exceptionnelle, je trouve, parce que les timbres en fait, de la guitare et, électrique et de l'orgue, ça fusionne d'une manière sensationnelle. C'est trop beau. C'était trop beau. Parce que moi, je trouve qu'il y a une approche assez punk hein, aussi. Non, mais c'est... Ça donne une autre image de l'orgue, en fait. Ça l'inscrit dans une musique d'aujourd'hui. C'est fantastique. Dans la musique contemporaine, un petit peu. Oui, là, c'est une pièce contemporaine, oui. Contemporaine. Ok. Parce que je crois qu'aussi, avec tous ces enregistrements, j'essaie de capter qu'est-ce que la musique contemporaine, au final. Parce qu'on écoute tellement de choses à l'archipel, c'est hyper dur, en fait, de préciser. Je pense que c'est une grosse définition. Ben oui, en fait, la musique contemporaine, comment on pourrait la définir? C'est la musique qui a été écrite ces dernières décennies jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, des compositeurs qui ont composé, en gros, à l'après-guerre à aujourd'hui. Et là, on ne peut pas être plus contemporain, parce que c'est une pièce qui a été composée en 2019, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est récent, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est extrêmement intéressant. Et ça vient d'où votre fascination, passion pour l'orgue? J'avais 12 ans et j'ai entendu un orgue et je suis rentré dedans parce que l'organiste m'a montré l'instrument. Et j'étais fasciné par le son. dans l'orgue, parce que c'était un orgue mécanique. J'étais fasciné par le son, mais aussi par la mécanique, parce qu'en fait, sur les orgues anciens, il y a des mécaniques extrêmement complexes, en fait, avec des milliers de pièces de mécanique, etc., qui font fonctionner les soupapes, les tuyaux, etc., l'alimentation en air. Enfin, c'est une grosse machine, un orgue. Oui. Et donc ça m'a fasciné. Et donc j'ai dit à mes parents, je veux apprendre à jouer de l'orgue. Et puis voilà, maintenant, voilà. Et en fait, je n'ai fait que ça depuis l'âge de 12 ans, ou presque. C'est devenu ma passion tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Et mélanger justement le numérique et le mécanique comme ça? Ah ben, je trouve que ça a du sens, parce que l'orgue n'a pas cessé d'évoluer, et on utilisait toujours les nouveautés. Par exemple, au 19e siècle, on a utilisé des machines pneumatiques pour tirer la mécanique. Ensuite, on a utilisé les ventilateurs. Avant, il fallait pomper. Et puis il y a l'électricité qui est apparue, donc là on a mis des ventilateurs qui envoyaient de l'air à l'intérieur des orgues. Et puis après il y a eu l'électrique, la traction, c'est-à-dire quand j'appuie sur une touche, ça peut être un électro-aimant qui s'ouvre et qui laisse l'air rentrer dans les tuyaux. Et puis après il y a eu le numérique, et donc grâce au numérique, eh bien, on peut rendre un instrument de cette taille transportable, puisque quand j'appuie sur la touche, c'est un signal qui est envoyé dans un ordinateur central, et qui lui va envoyer les commandes dans chaque petit élément. Donc en fait, cet orgue du voyage, on a des ventilateurs pour alimenter en air les tuyaux, et quand j'appuie sur une touche, il y a une commande électrique qui ouvre un électro-aimant. Donc voilà, donc en fait on est on ne peut pas plus actuel sur le plan de la conception. Et finalement, l'orgue progresse, l'instrument progresse. Et voilà, on peut l'installer n'importe où en une heure. Même par rapport à la guitare électrique aussi, je me demandais, vu que ça a été une rediffusion tu sais, sur les enceintes, avec du coup de l'orgue, le son acoustique en fait de l'orgue. Oui, oui, tout à fait. Même ce mélange-là, je le trouve intéressant. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot là-dessus? Ah bah oui, naturellement, ce qui est fabuleux justement, c'est d'associer les timbres, les sonorités de l'orgue avec d'autres sonorités, mais aussi avec d'autres formes artistiques, si je puis dire. Il n'y a pas que le son, mais ça peut être la danse, le théâtre, enfin bon, on peut imaginer tellement de choses. Ouais. A metal machine, so it has two rooms inside. Okay. And just I put the water and boil it, and then yes. In between the steam and water, the quantity is quite different, super different. So the pressure is happening, and the pressure releases the air, and the rice covered air releases the air. Kiko et Seva, le silence rend les bruits merveilleux. pensée sauvage. Emportée par les escaliers roulants du monde total, contrainte dans l'enclos de l'espace client, électrifiée dans le monde total du divertissement, sous perfusion de divertissement, mise en esclavage dans le festival décalage. Je cherche une musique qui court-circuite l'instant cérébral, soigner la détresse des oreilles. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Pourquoi cette enveloppe ? Dérailler ou alors ne rien faire ? Pourquoi cette distance ? Aujourd'hui, le cri le plus violent, c'est peut-être le silence. Pourquoi cette forme ? Frotter, souffler, pincer, frapper. Quel est le lien ? Le silence. Pourquoi faire ? Le silence. Qu'est-ce que la musique dans un monde où tout est marchandise ? Qu'est-ce qu'un événement sonore sous le règne de la quantité ? Bruiteur, roue dentée, livre, folle, faisant vibrer ceux qui autour se tiennent debout. Noir, blanche, leur révolution crépite à travers ceux qui, vivant en péripétie, en périphérie, rêve de leur centre. Je rêve d'une musique d'assainissement. Elle fera son œuvre par un enchantement discret, une force tranquille comme la mer. Notre monde sonore me semble parfaitement en phase avec l'idéologie de croissance infinie. Quand le mouvement n'a plus d'autre raison d'être que d'alimenter une monstrueuse décharge et que son bruit n'est plus que l'écho assourdissant du désespoir des masses humaines. Les oreilles ouvertes, je me demande pourquoi la musique n'est pas d'abord l'écoute du monde. Vous vous servirez encore et encore avec bonheur d'un morceau de millefeuille sonore gras saturé, mortellement sucré, aux empilements de couches de plus en plus épaisses. Défaite de la musique. Malentendu, bien entendu. Rêve. Rêve. Un parking souterrain. Un son continu de trompe ou de corne, déphasé, réverbéré, avec une douce volubilité. Modulation de bande, vitesse et surface. Un beau médium de résonance de crâne, une flûte dans l'obscurité, une apparition d'un puits de lumière, depuis les ténèbres, un puits accessible. Rien ne doit entraver les rêves, surtout pas leur marchandisation. Rêver. Rêver. L'illusion est pourtant belle. Il s'agit de divisions, de fragmentations de groupes, si fines soient-elles, si grands soient leurs noms. Nous nous éloignons de la rive de l'analogie. Comment vivre ici sans tomber fauché par l'avalanche ? Résister au numérique. J'achète un nouvel enregistreur numérique. Contribuer à acheter. Briser la continuité. L'illusion est peut-être belle, nous savons. timbre préféré. Ton quoi ? Mon timbre sonore. C'est ma nouvelle question. C'est une question piège. Quel est ton timbre préféré ? Tu vois, les enfants, ils disent toujours, c'est quoi ta couleur préférée ? Ah ouais ? Quel est ton timbre préféré ? Je sais même pas ce que c'est un timbre. C'est aussi, c'est pas évident à définir, timbre, non ? C'est le... De façon une sorte de couleur, ça sonne, non, c'est un instrument, ça. Le timbre d'une... C'est le son d'un instrument ? C'est la... Comment dire ? C'est la sonorité, mais la particularité... Souvent, c'est traduit par l'idée de couleur. Voilà, bon, du coup, c'est la couleur. Couleur du son. Le timbre d'une trompette, c'est assez... C'est lisse, pointu. C'est lisse, assez... Alors qu'une... violon, c'est un peu granuleux. Ouais, moi j'adore le timbre du violon. Alto. J'aime bien moi, un peu plus bas. Que le violon, trop beau. L'alto, c'est trop beau. Moi j'aime le timbre de la clarinette. Mmh. La clarinette. Clarinette basse. Moi j'aime bien. Et toi, quel est ton timbre préféré? Ma langue de Rudy là, ça me parle. Est-ce que je peux venir là? Mais bien sûr. Aussi. Et toi, quel est ton temps préféré? Bisous, bisous, bisous.